Pierre Mort. On te descend. On te descend. On te descend. Changement de flow, cette fois je passe en mode vénère. Bienvenue dans mon côté sombre, il m'arrive de perdre les nerfs. Personne ne me connaît assez pour pouvoir me cerner. Y'a peu de gens dans mon cœur et crois-moi t'es pas concerné. Hier moi avec mes mots je peux faire preuve d'hostilité. Et devant tous les hypocrites comme moi j'en vois l'utilité. Ce que tu penseras juste pour moi c'est qu'à futilité. Je t'emmerde sincèrement et en toute tranquillité. Mon rap dans les parages, fils de pute sont de passage. Devant ça je ne suis pas sage, j'ai la rage et je veux que tu le saches. J'écris la haine avec un H majuscule mais la confiance est tout. Avec un C minuscule, mon côté son fout le cafard. Tu viens le voir, tu sembles avare. J'ume les connards en allumant les pleins phares. Rien à faire, donc sur l'instru, je suis bavard. Mène mon savoir pour contrer tous ces crevards. Tu te crois plus mal un connard, attends, c'est ce qu'on va voir. Bienvenue dans mon côté sombre, là où mes regards sont froids, là où les regrets m'encombrent. Bienvenue dans l'ombre de mon nom. J'ai rien à perdre et sous ma rage, même le mur du sang s'effondre. Bienvenue dans mon côté sombre, là où mes regards sont froids, là où les regrets m'encombrent. Bienvenue dans l'ombre de mon nom. J'ai rien à perdre et sous ma rage, même le mur du sang s'effondre. Encore des rappeurs qui n'ont rien à raconter. En plus ils veulent tous nous faire peur avec leurs histoires de quartier. Rassure-toi, je suis pas des leurs, moi mon discours est fondé. J'ai jamais été dealer et je ne serai jamais foncé. Tout ce que je dis là c'est ma fierté et je le souhaite à ta sienne prêt. Pour les jaloux je me tiens prêt, pour les faux puis je me tiens prêt. Pour les mythos je me tiens prêt, pour les rageux je me tiens prêt. Pour tous ceux qui m'aiment pas, pour écouter ce qui vient après. Je ne m'arrête pas sur les critiques car sinon je ne ferai que ça. L'ignorance est devenue un tic, je vous mets tout en même que ça. Je peux cracher sur ma face, que veux-tu que ça me fasse? On t'efface, je gagne côté billet et tu perds côté face. Étrangement je m'en fous, maintenant je fais sans vous. Si seulement vous saviez, mon but d'ici je savoure. Et derrière votre clavier, vous faites peur je l'avoue. La vérité mon côté sombre est aux aguets et tous les jours on garde à vous. Bienvenue dans mon côté sombre, là où mes regards sont froids, là où les regrets m'encombrent. Bienvenue dans l'ombre de mon nom. J'ai rien à perdre et sous ma rage, même le mur du sang s'effondre. Bienvenue dans mon côté sombre, là où mes regards sont froids, là où les regrets m'encombrent. Bienvenue dans l'ombre de mon nom. J'ai rien à perdre et sous ma rage, même le mur du sang s'effondre. Ok. Hier mort. Hier mort. Hier mort. Mon côté sombre. Là où les regrets m'encombrent. Bienvenue dans l'ombre de mon nom. J'ai rien à perdre et sous ma rage, même le mur du son s'effondre. Bienvenue dans mon côté sombre. Là où mes regards sont froids, là où les regrets m'encombrent. Bienvenue dans l'ombre de mon nom. J'ai rien à perdre et sous ma rage, même le mur du son s'effondre. Bienvenue dans mon côté sombre. Là où mes regards sont froids, là où les regrets m'encombrent. Bienvenue dans l'ombre de mon nom. J'ai rien à perdre et sous ma rage, même le mur du son s'effondre.